Donc, je m'appelle Nicolas Gompel, je suis chercheur, je suis chargé de recherche au CNRS, je co-dirige un labo, une équipe de recherche avec Benjamin Prudhomme, que j'ai rencontré quand on était aux États-Unis en stage postdoctoral dans le même laboratoire. Et comment j'en suis arrivé là? Eh ben, ça a commencé il y a très très longtemps, quand j'ai commencé à m'intéresser aux insectes, quand j'avais une quinzaine d'années, j'ai commencé à collectionner les coléoptères, et c'est un intérêt que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Je me suis orienté assez vite vers des études de biologie, de génétique, en gardant mon intérêt pour les coléoptères comme à côté. En fait, ce que j'ai appris à la fac, c'était donc la génétique classique. Je me suis orienté assez vite vers la biologie du développement, qui est la forme moderne de l'embryologie ou de l'anatomie comparée. Et en fait, c'est pendant ma thèse que mon intérêt pour la systématique et pour les coléoptères a rejoint ou a fusionné avec mon parcours de biologiste du développement et de généticien, pour la raison simple que j'ai réalisé que toute la diversité que je pouvais voir dans les formes des insectes, qui est appréhendée par les systématiciens vraiment comme des caractères qui sont présents, absents, qui permettent de séparer les espèces et qui sont regardés surtout pour le fait qu'ils permettent de séparer les espèces, d'un coup j'ai réalisé que je pouvais les relire à la lumière de ce que j'avais appris avec la biologie du développement, et que je pouvais essayer de me poser la question de savoir d'où venait cette diversité, comment au cours de l'évolution cette diversité avait émergé. Et j'ai décidé d'aller vers ça. Et alors pourquoi la biologie du développement a à voir avec ça? Pour une raison très simple, c'est que si des caractères nouveaux apparaissent au cours de l'évolution, c'est qu'il y a eu des changements dans le programme de développemental de l'organisme qu'on regarde. Donc en fait, toute l'origine de la diversité des formes, par exemple, donc toute la diversité des formes que je pouvais voir chez les coléoptères ou chez d'autres insectes, elle est à rechercher dans des changements de biologie du développement, dans le changement du programme de développement embryonnaire de ces animaux. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé pendant ma thèse. Et en thèse, je faisais a priori pas ça. Je faisais de la neurobiologie avec des poissons. Je travaillais sur un système sensoriel qui s'appelle la ligne latérale, qui est un système propre aux poissons qui leur permet de percevoir les mouvements d'eau, les déplacements d'eau autour d'eux. Et en fait, ce système-là, c'est, on pense que c'est l'ancêtre de l'oreille. Donc c'est un système qui après s'est internalisé avec les qui correspondrait au canal semi-circulaire de l'oreille. Et en fait, je regardais la façon dont dont les neurones qui innervent, qui permettent de percevoir cet environnement, s'organisent pendant le développement du poisson. Cette culture de biologie du développement, ça m'a vraiment amené à me poser cette question et à re-regarder la diversité, en particulier morphologique, la diversité des formes dans l'environnement, de ce point de vue-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai choisi de partir à l'étranger après ma thèse pour essayer de creuser ça, pour essayer de voir comment on pouvait essayer de trouver les bases génétiques de la diversification des formes. Donc voilà, là je suis parti à l'étranger en 2002, début 2002. Donc j'étais à l'université du Wisconsin. J'ai rejoint le laboratoire de Sean Carroll, qui est toujours un des leaders dans le domaine d'essayer de comprendre l'origine de la diversité des formes. J'ai passé 3 ans dans ce laboratoire, c'était 3 années assez incroyables, et à peu près 1 an et demi après que je sois arrivé, Benjamin Prudhomme, donc qui est aujourd'hui mon associé, a rejoint le laboratoire, et on a très vite commencé à travailler ensemble. On s'est très vite très bien entendu, et on a poursuivi cette collaboration jusqu'à maintenant, en fait. Bon, faire un stage postdoctoral, donc après la thèse, c'est devenu quelque chose de pratiquement incontournable si on veut faire une carrière dans la recherche. Et j'avais ce centre d'intérêt. Enfin, c'est parmi les choses possibles à la fin de ma thèse, il y avait ça comme thématique de recherche. J'ai regardé quels étaient les laboratoires qui étaient qui travaillait sur ce domaine-là. Ce laboratoire particulier aux États-Unis était vraiment numéro un sur ma liste. J'ai contacté Sean Carroll et j'ai eu la chance d'être pris. Et voilà, c'est très simple, quoi. Alors, donc là, j'ai complètement changé de système. Donc là, jusque-là, je travaillais sur des poissons. Enfin, je travaillais avec des poissons. J'avais déjà commencé à regarder la diversité. En fait, la ligne latérale, donc ça fait. C'est ce qu'on voit, par exemple, quand on mange une truite, par exemple. Quand on a une truite dans son assiette, on voit le long des flancs de la truite, on voit une espèce de ligne qui va de l'ouïe jusqu'au bout de la queue, et qui est située à peu près au milieu du corps. Il y en a une de chaque côté. Et ça, c'est la ligne latérale. En fait, cette ligne latérale, donc c'est des espèces de petits points qui correspondent chacun à un organe sensoriel qui perçoit les mouvements d'eau et qui forment une ligne. Si on regarde chez différents poissons, on a pas mal de variations. Donc des fois c'est une ligne, des fois c'est plusieurs lignes avec plus ou moins de ces organes. Et donc on a à partir de là, on a un motif formé par ces organes et ces motifs varient énormément. Donc c'était une première façon, cette diversité, cette variation dans la distribution de ces organes, c'est une première façon de regarder des changements ou de la diversité d'organes, enfin de la diversité de formes. Et je me souviens très bien, à la fin de ma thèse, une des choses que j'avais faites, c'était que j'étais allé avec mon épuisette à Palavas-les-Flots, à côté de Montpellier, pour ramasser des embryons de poissons. Et on avait une façon de visualiser ces organes sensoriels très, très facilement en rajoutant un produit, un colorant dans l'eau. Et puis ensuite, on pouvait mettre les poissons sous microscope. Et j'avais commencé à regarder, justement, non seulement la diversité des formes, enfin la diversité de la distribution de ces organes, et puis j'avais aussi essayé de comprendre comment ça se mettait en place au niveau du développement. On savait des choses chez certains poissons modèles sur la mise en place de ce système, et donc j'avais essayé de regarder justement s'il y avait des changements dans les mécanismes qui amenaient au motif final, à la distribution finale. Donc ça, c'était avec des poissons, c'était bien, mais c'était assez frustrant parce que c'est pas, enfin pour ces questions-là, c'était pas des organismes très appropriés pour faire des expériences. Et quand je suis parti aux États-Unis, le laboratoire en question travaillait avec des mouches, avec des drosophiles. Donc la drosophile, pour situer, c'est actuellement probablement l'organisme modèle le plus étudié, au moins autant que la souris, sinon plus. Et c'est un organisme qui bénéficie de plus de 100 ans de génétique et d'une assez grosse communauté, et donc du développement d'outils absolument extraordinaires pour aller faire des expériences, pour manipuler les cellules, pour manipuler les gènes, et pour du coup essayer de comprendre toute la biologie qu'il y a derrière et comment les choses se mettent en place au cours du développement embryonnaire. Et donc le labo travaillait là-dessus, et du coup j'ai pu commencer à travailler avec des mouches. Alors en fait, il y a une espèce de mouche qui est étudiée principalement, qui s'appelle Drosophila melanogaster, qui est vraiment le cheval de Troie des généticiens. Et très vite, en fait, comme j'avais cette espèce de double casquette, parce que je m'intéressais aux insectes depuis longtemps et à la systématique depuis longtemps, très vite j'ai commencé à chercher des faunes sur les drosophiles, des livres de systématique des drosophiles. J'ai commencé à regarder si je pouvais trouver d'autres espèces, à quel point ces espèces étaient différentes de Drosophila melanogaster, donc à chercher le genre de diversification, de diversité morphologique qui m'intéressait. Et en fait, il n'a pas fallu chercher très loin. J'ai commencé simplement à prendre un filet à papillons et à chercher dans mon jardin, et donc quand j'étais aux États-Unis, et à trouver plein d'espèces différentes, et à me rendre compte qu'elles avaient des différences avec l'espèce de laboratoire Drosophila melanogaster. Donc j'ai commencé à élever ces espèces et à essayer de chercher l'origine des différences que je voyais. En fait, très vite, donc le laboratoire travaillait déjà sur des questions de différence de pigmentation entre certaines espèces, parce que c'est un caractère qui est très facile à étudier, qui est très facile à quantifier. En fait, c'est bon, voilà, ça se voit, ça fait des taches. Alors c'est soit sur l'abdomen de la mouche, soit sur les ailes de la mouche, donc il y a plusieurs possibilités, et surtout il y a des différences très bien marquées entre espèces. Donc on peut dire, voilà, par exemple, une espèce qui a l'abdomen noir, comment elle en est arrivée là, alors que sa cousine va avoir l'abdomen entièrement dépigmenté, entièrement clair. Donc en prenant, enfin en essayant d'augmenter mon échantillon d'espèces à partir de soit de ce que je trouvais dans mon jardin et puis un peu plus tard à partir de ce que j'ai pu commander à des centres de stock d'espèces. Aux États-Unis, il y a un centre qui a une collection de drosophiles vivantes de différentes espèces, donc avec différents motifs de pigmentation. À partir de ça, j'ai pu commencer à essayer de décortiquer la génétique qu'il y avait dessous. Et en fait, très vite, donc j'ai fait ça avec Benjamin. L'organisme modèle Drosophila melanogaster, on l'élève dans des tubes avec un bouchon, et au fond de ces tubes, il y a un milieu qui est un mélange d'agar. C'est un peu comme du flan, en fait. C'est un mélange d'agar, de sucre, de farine de maïs. Et les mouches adultes pondent des œufs là-dedans, et les œufs, au bout de 24 heures, de l'œuf sort un asticot, et l'asticot va manger cette espèce de mélange, ce flan, et va grossir, et puis à un moment, il va sortir de cette nourriture, il va se métamorphoser, donc il va se transformer en un stade qu'on appelle une pupe, qui est l'équivalent de la chrysalide du papillon. Et puis, 3 jours ou 4 jours plus tard, de là va sortir une mouche adulte. En fait, ces drosophiles, tout le monde les a vus. En fait, c'est simplement les petits moucherons qu'on trouve sur les bananes ou sur les fruits. Quand on laisse une corbeille de fruits dehors, on voit tout le temps des petits moucherons autour. Bah, c'est ça. Ça, c'est Drosophila melanogaster ou d'autres espèces de drosophiles. Donc ça, c'est pour l'espèce modèle. Et pour les autres espèces, simplement, la façon de procéder, c'est avec mon filet à papillon, j'allais faucher les herbes dans mon jardin, ou bien je mettais des pièges, donc par exemple une bouteille avec des fruits bien mûrs. Au bout de quelques jours, même au bout d'un jour, il y a plein de ces moucherons, justement, et donc il y a un mélange de plusieurs espèces là-dedans. On les attrape avec le filet, on peut les endormir avec du gaz carbonique, on a un système d'anesthésie comme ça. Et de là, je prélevais des femelles, je les mettais dans des tubes, elles se réveillent très vite, dès qu'on arrête le gaz carbonique, elles se réveillent, elles pondent des œufs, et puis on démarre une culture comme ça. Et comme elles pondent plusieurs œufs, bah ensuite il va émerger plusieurs adultes qui vont pouvoir se reproduire entre eux, et ainsi de suite. Donc comme ça, j'ai pu établir des stocks de plusieurs espèces différentes et commencer à les étudier. Le cadre le plus général, c'est qu'on cherche à comprendre comment on passe de une cellule œuf avec un noyau à l'intérieur et une seule copie du matériel génétique à un organisme entièrement développé, donc par exemple une mouche adulte avec des organes formés, avec des milliers ou des millions de cellules suivant le stade auquel on regarde. Voilà, donc comment tout ça se met en place, comment ça s'organise, comment c'est parce que voilà, c'est pas un tas de cellules désordonnées, c'est tout ça très très organisé. Comprendre ça, y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est la cellule œuf va se diviser. On va commencer par avoir un sac de cellules, et puis il va se passer plein de choses entre ces cellules, elles vont se réorganiser, elles vont proliférer pendant tout un temps, et puis petit à petit, elles vont acquérir des destinées différentes. Donc il y a certaines cellules qui vont se transformer en ailes, d'autres cellules qui vont s'engager pour devenir, je sais pas moi, par exemple l'intestin de la mouche, ou les pièces génitales, ou bien les yeux, ou bien bon, voilà. Donc toutes ces cellules vont non seulement se diviser, mais se spécialiser petit à petit. Et en fait, on sait que ces différentes spécialisations sont contrôlées par des gènes qui sont produits au fur et à mesure que les cellules se divisent. Donc tout en se divisant, les cellules, elles vont aussi produire des protéines, donc qui dérivent de gènes. Si on imagine, on a une cellule au départ, un œuf, qui va se diviser, on se retrouve avec un sac de cellules. Maintenant, ce sac de cellules, c'est pas forcément homogène, en fait. Il va y avoir des territoires qui vont commencer à se détacher, ces territoires, donc il y a une hétérogénéité au sein de cette population de cellules, et cette hétérogénéité, elle va en général être due à des facteurs externes, et les facteurs externes, ça peut être Ça peut être par exemple la mère qui a pondu l'embryon, qui a déposé des informations, donc par exemple certaines protéines, d'un seul côté de l'embryon. Donc on va créer une anisotropie, une hétérogénéité comme ça. Alors l'anisotropie, ça serait des différences de signaux qui existent au début. Donc par exemple, on a un œuf, et d'un côté de l'œuf, la mère a déposé une information, donc c'est que sur un côté, par exemple, à l'avant de l'œuf, la mère a déposé une certaine protéine qui va diffuser, qui va former un gradient de l'avant vers l'arrière de l'œuf. Eh bien, cette protéine-là, même si les cellules vont avoir le même aspect, le fait qu'on crée ce gradient, c'est ça l'anisotropie, c'est le fait qu'il y a quelque chose de différent entre les cellules qui sont à l'avant et les cellules qui sont à l'arrière. Ça peut être aussi des facteurs vraiment environnementaux comme la gravité, par exemple l'œuf est posé d'une certaine manière et ça va avoir une incidence sur l'identité des cellules suivant où elles sont posées. Ça peut être la température, ça peut être différentes choses comme ça qui vont polariser finalement l'embryon et donc l'embryon va avoir une lecture de ces différences extérieures, enfin extérieures au sens où elles ne dépendent pas de lui, même si c'est une information maternelle. L'embryon va traduire cette hétérogénéité, cette anisotropie, justement en différentes identités cellulaires. Et en fait, ce découpage-là, il va être raffiné tout au cours du développement. Donc on va commencer, par exemple dans le cas de la mouche, on va commencer avec une espèce de gradient assez diffus qui va dire que les cellules qui sont très en avant dans l'embryon ou très en arrière sont différentes, et puis on va avoir comme ça une espèce de gradation qui ne se traduit pas encore pour les cellules au sens où elles vont avoir à peu près toute la même allure et elles vont se ressembler morphologiquement. Mais par contre, le fait d'avoir ces identités différentes, donc on va avoir vraiment une identité positionnelle, ça va être traduit par l'embryon en destinées cellulaires différentes. Et c'est ça qui petit à petit va faire que ben, d'un côté on va avoir une tête avec expression de certains gènes qui vont être spécifiques de la tête, y compris ceux qui vont permettre de mettre en place les yeux, à un autre endroit qui va correspondre plus ou moins au milieu du corps, on va avoir une population de cellules qui va se détacher et qui va donner la future aile, d'autres populations de cellules qui vont donner les futures pattes, et ainsi de suite. Et tout ça, au départ, c'est vraiment de la lecture d'informations positionnelles. Les cellules savent qu'elles sont à un certain endroit de l'embryon, parce qu'elles ont eu justement cette identité positionnelle originelle, et elles vont convertir cette information-là, et elles vont adopter une destinée particulière. Donc il va y avoir toute une première étape où on va voir cette information, mais qui n'est pas visible à l'œil nu, où on va avoir des cellules qui en gros se ressemblent, on va parler de cellules indifférenciées, hein, donc on a des cellules qui vont être morphologiquement à peu près toutes pareilles, et au fur et à mesure que le développement va procéder, justement ces différences vont devenir visibles, les cellules vont commencer à se différencier et vont petit à petit ressembler à ce qu'elles vont faire au final. C'est comme ça qu'une cellule d'œil va produire certains pigments qui vont donner la couleur à l'œil, ou vont d'autres cellules de l'œil vont se transformer en neurones, des cellules qui vont correspondre à la surface extérieure de l'insecte vont se mettre à produire ce qu'on appelle un exosquelette, donc c'est l'espèce de carapace qu'ont les insectes, et donc ça c'est des propriétés très particulières qu'une cellule de l'intestin par exemple ne fera jamais, ou qu'une cellule qu'un neurone ne va jamais faire. Voilà, il y a cette petit à petit au cours du développement, donc il y a une première étape de qu'on pourrait on prend souvent comme analogie ce qui se passe avec le chantier d'une maison, où on a toute une première étape de mise en place des plans, où on va avoir des architectes qui interviennent, tout un tas de choses qui vont être relativement théoriques, mais on va pas voir de maison qui sort de terre. Et puis on va avoir après une deuxième vague consécutive où on va avoir des artisans qui travaillent et qui font effectivement sortir la maison de terre, font apparaître la décoration, font mettre en place la plomberie, enfin la tuyauterie, etc. Et finalement, pour le développement d'un organisme, l'analogie fonctionne assez bien, parce qu'on va avoir au départ une population, pour caricaturer un peu, une population de cellules homogènes, mais en fait l'homogénéité est seulement apparente, parce qu'en réalité ces cellules diffèrent par les gènes qu'elles expriment, et ces gènes-là, ça pourrait correspondre aux gènes architectes qui vont dire, ben là on va faire une tête, là on va faire un intestin, là on va faire une patte, sauf que pour nous, observateurs extérieurs, c'est pas encore visible. Et au fur et à mesure que le temps passe et que le développement se met en place, enfin procède, il va y avoir d'autres gènes qui vont intervenir, qu'on pourrait appeler des gènes artisans, pour reprendre l'analogie, qui vont produire des pigments, qui vont produire des axones, enfin qui vont permettre la formation d'axones au niveau des neurones, qui vont produire tout ce qu'on voit et qui fait au final la morphologie, qui vont produire certaines protéines constitutives des muscles et qui vont permettre à certaines cellules d'avoir des propriétés de contraction au bout du compte. Voilà, donc il y a vraiment ces deux phases de on met en place mais c'est pas encore visible, et on réalise vraiment ce qu'on a en suivant les plans qu'on avait mis en place tôt dans le développement. Donc nous, concrètement, ce qu'on regarde depuis le passage chez Shane Carroll et encore maintenant, c'est de la pigmentation sur les ailes des mouches. Ça paraît pas forcément évident comme ça, parce que souvent les mouches c'est plus petit et puis c'est moins visuel, mais en fait le genre de diversification et de diversité qu'on voit sur les ailes de mouches, c'est exactement ce qu'on voit sur des ailes de papillon, sauf qu'en général c'est en noir et blanc au lieu d'être en couleur, mais on voit des choses tout aussi délirantes avec des taches, des traits, des bandes, enfin bon voilà, ça varie vraiment à l'infini, comme pour les ailes des papillons, qui en général qu'on a plus facilement en tête, parce que c'est ce qu'on voit dans les vitrines des musées. Oui, cette diversité de pigmentation, c'est simplement un faire-valoir, c'est simplement un modèle d'étude en soi. En dehors du fait que c'est assez joli à regarder, en soi ça n'a pas vraiment d'intérêt, on travaille pas sur la pigmentation pour la pigmentation, mais plutôt parce que c'est un système d'études qu'on peut comparer à d'autres formes, donc on peut penser à toutes sortes de diversités de formes, que ce soit le bec des oiseaux, que ce soit, bon, effectivement, les couleurs sur les ailes des papillons, mais en fait on pourrait décliner ça sur n'importe quel caractère, dans n'importe quel groupe animal. Et l'intérêt de travailler sur les ailes de mouche, c'est que c'est facile à étudier, c'est vraiment tout à fait approprié pour étudier. D'abord c'est plat, donc c'est en deux dimensions, donc ça veut dire que c'est facile à quantifier, à étudier, par rapport par exemple à un bec d'oiseau qui certes change beaucoup entre espèces. On va avoir des oiseaux avec des gros becs, avec des oiseaux avec des becs très allongés, on peut penser à la comparaison entre un pinson et une cigogne. Mais c'est déjà le fait que ce soit en trois dimensions, c'est beaucoup plus compliqué à étudier. Là en plus, les ailes de mouche justement, donc c'est avec des drosophiles qui sont faciles à élever, des temps de génération courts, on bénéficie du fait qu'il y a Drosophila melanogaster et ses 100 ans de génétique, ou plus de 100 ans de génétique, qu'on va pouvoir exploiter. Si on voulait faire la même chose sur les oiseaux par exemple, sur les becs des oiseaux, ça serait, ou sur la forme des plumes chez les oiseaux, c'est beaucoup plus compliqué expérimentalement, c'est beaucoup plus lourd. Donc ça, c'est une raison. Donc on a cette simplicité expérimentale, mais conceptuellement, c'est la même question, en fait. C'est vraiment la question de comment, à partir de une forme donnée, on peut décliner cette forme presque à l'infini. On a l'impression que c'est presque à l'infini. Et qu'est-ce qui se passe au niveau génétique ? La connexion maintenant avec la biologie du développement... La connexion, c'est que ce qu'on voit sur des mouches adultes, donc les différents motifs de pigmentation, donc pareil que les ailes de papillon, hein, des taches, des bandes, enfin, toutes sortes de choses, les motifs qu'on voit chez l'adulte, ils sont mis en place pendant le développement de l'animal. Donc en fait, là en l'occurrence on parle du développement de l'aile, pendant la phase de métamorphose, pendant que l'asticot est en train de se transformer en individu adulte, l'aile, enfin, il y a une population de cellules qui s'isole et qui va être à l'origine de l'aile. Dans cette, donc petit à petit, cette population va prendre la forme d'une aile. Il va y avoir des nervures qui vont, enfin, certaines cellules qui vont se spécialiser, qui vont mettre en place les nervures. Et bon, ça ressemble à une aile d'insecte comme on peut l'imaginer. Et une fois que cette aile est mise en place, il y a un certain nombre de gènes qui vont mettre en place la décoration à proprement parler, donc la pigmentation. La mise en place de la pigmentation, ça se passe en gros en deux temps. Il va y avoir un certain nombre de gènes qui vont être distribués, qui vont donner des protéines. Donc l'idée, c'est un gène produit une protéine, et certaines de ces protéines vont se distribuer dans l'aile et leur distribution préfigure ce qu'on va voir au niveau pigmentation de l'adulte. Donc en fait, par exemple, on a un gène qui s'appelle YELLOW qui est un gène nécessaire à la production de pigments noirs. Si on n'a pas ce gène, on a des mouches mutantes pour ce gène, on a des mouches jaunes. Elles ne produisent pas de pigments noirs. La distribution de ce gène dans l'aile en développement, donc à un moment où les pigments ne sont pas visibles, hein, on est dans la chrysalide, en quelque sorte dans la pupe de la mouche, donc l'équivalent de la chrysalide, la distribution de ce gène est prédictive de ce qu'on va voir comme pigmentation chez l'adulte. Donc par exemple, si on a un adulte qui a une tache au bout de l'aile, eh ben on sait que ce gène va être distribué en forme de tache qui ressemble à la tache de pigmentation adulte au bout de l'aile de la pupe en l'occurrence. Mais par contre, à ce moment-là, il n'y a pas encore de pigment. Et en fait, au moment où la mouche va éclore, son aile va être entièrement dépigmentée, mais certaines cellules vont avoir, dans leur cytoplasme, elles vont avoir, ou en l'occurrence, dans leur cytoplasme, elles vont avoir cette protéine YELLOW présente. Et cette protéine YELLOW, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, au moment où la mouche va éclore, il y a des précurseurs de pigments, en l'occurrence, c'est des molécules comme la DOPA ou la dopamine, qui vont diffuser à travers toute l'aile, donc toutes les cellules vont être exposées à ces molécules, mais seules celles qui ont la protéine YELLOW vont être capables de convertir ces protéines en pigments noirs. Donc en fait, ça va être vraiment comme un peu comme de la photographie avec des sels d'argent, où seules les cels qui ont été exposés à tant de lumière vont noircir, quoi. Donc on a les motifs pigmentaires qui sont pas encore visibles mais qui sont déjà encodés sur la surface de l'aile, et au moment où on va faire passer les précurseurs des pigments, seules certaines cellules vont noircir, et donc on va révéler la distribution qui a été mise en place pendant le développement. Cette première étape, c'était comprendre comment se forme la pigmentation chez les mouches, mais en fait, ce que je viens de dire là, ça vaut pour à peu près tous les insectes. Donc, de temps, on met en place, on prédistribue des enzymes capables de former des pigments, et en fait, on les révèle en faisant diffuser certaines molécules comme la DOPA et la dopamine, qui sont des précurseurs de pigments. Et au moment où ça diffuse, les enzymes vont convertir localement, par exemple une tache au bout de l'aile, vont convertir les précurseurs en dépôts pigmentaires. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on voit chez une espèce donnée. Maintenant, se pose la question de savoir comment différentes espèces ont des taches différentes ou des motifs différents sur l'aile. Donc voilà, on va comparer par exemple deux espèces. Drosophila melanogaster, donc la mouche de laboratoire, elle a des ailes claires, transparentes, avec en fait c'est simplement légèrement grisâtre, et ça correspond à un léger niveau de pigmentation homogène dans toute l'aile, uniforme dans toute l'aile. Maintenant, on a une espèce qui est une cousine pas très éloignée de Drosophila melanogaster, qui s'appelle Drosophila biarmipes, qui est une des mouches qu'on étudie beaucoup au laboratoire, qui lui ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau, sauf que au bout de l'aile de ces mouches, il y a une tache noire très foncée, opaque. Et nous, ça a été une des premières mouches qu'on a regardées, parce que on s'est dit, bah voilà, là on a affaire à une transition évolutive toute simple entre pas de pigment et une tache, donc qui est vraiment un motif pigmentaire tout simple. Alors là, il y a des questions à plusieurs niveaux. Donc la première chose, c'est effectivement ce qu'on voit, donc pas de tâche, une tâche. Maintenant, se pose la question de quelles sont les différences génétiques qui ont permis d'en arriver là. On a la chance de connaître beaucoup de gènes qui sont impliqués dans la formation des pigments au cours du développement chez Drosophila melanogaster. Donc on peut se dire, est-ce que certains de ces gènes et lesquels sont impliqués dans l'apparition de la tache au cours de l'évolution? Est-ce qu'ils sont tous impliqués? Est-ce qu'il n'y en a qu'un seul qui est impliqué? Et donc la première façon pour regarder ça, c'est simplement de regarder, puisque je vous ai dit tout à l'heure que certains de ces gènes préfigurent pendant le développement ce qu'on voit chez l'adulte, on peut regarder l'expression de ces gènes au cours du développement de ces deux espèces. Alors qu'est-ce que ça veut dire regarder l'expression des gènes? Il y a plusieurs façons de faire. Donc un gène, donc on a de l'ADN, un gène va d'abord produire ce qu'on appelle un transcrit ou un ARN messager, qui va être une espèce de photocopie de la page du génome, d'une page du génome qui correspond à ce gène-là. Et ce transcrit ensuite va être traduit en une protéine. Donc là, c'est une molécule d'une nature encore différente, mais c'est cette protéine qui va être le vrai effecteur dans l'histoire. Donc par exemple, si on a affaire à un enzyme, c'est cette enzyme-là qui va catalyser la réaction. L'ARN messager, c'est juste un intermédiaire entre le livre de départ qui est le génome, le produit final qui est la protéine. On est capable maintenant, ça fait maintenant presque 30 ans, qu'on sait détecter sur des tissus qu'on a fixés avec du formol, finalement, on est capable de détecter ces différentes molécules et de les visualiser à l'échelle du tissu. Alors comment on fait? Bon, pour les transcrits, pour les ARN messagers, on utilise une technique qui s'appelle l'hybridation in situ. Simplement, ce qu'on utilise, donc on a un transcrit qu'on veut repérer, on est capable, donc c'est une espèce de une molécule linéaire, ça ressemble à... c'est de l'ARN, et on est capable de fabriquer une molécule qui est complémentaire de cette première molécule, à laquelle on accroche un colorant, ou une molécule visible. Toutes les cellules qui produisent ça vont être marquées par la molécule complémentaire, et comme cette molécule complémentaire est colorée, on va pouvoir visualiser toutes ces cellules. Donc à l'échelle d'une aile, on va avoir, si certaines cellules produisent tel gène, on va colorier ces cellules finalement, on va colorier les transcrits par cette technique. Et on va pouvoir ensuite prendre une photo de toute l'aile et on va voir que seulement une partie ou certaines cellules sont coloriées. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir dire, tiens, l'expression de tel gène ressemble incroyablement à la pigmentation qu'on voit au final chez l'adulte. Et on va pouvoir établir une corrélation entre les deux. Ce qui est vrai pour les transcrits est aussi vrai pour les protéines, mais là la technique est complètement différente. On est capable de produire des anticorps, donc les mêmes anticorps qu'on utilise dans notre système immunitaire, contre une protéine donnée. Et pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la protéine qui nous intéresse, je vous parlais tout à l'heure du gène yellow, on va l'injecter dans un lapin. Le lapin va produire des anticorps contre le corps étranger que représente cette protéine injectée. Et on va arriver à récupérer ces anticorps. En fait, on va saigner le lapin, on va récupérer son sérum. Et ensuite, on va pouvoir utiliser ce sérum pour visualiser la protéine sur des ailes de mouche, la protéine qui nous intéresse. Alors pourquoi visualiser? Parce qu'ensuite, donc on va faire tremper l'aile de mouche dans le sérum de lapin. Tous les anticorps contre... Donc il va y avoir toutes sortes d'anticorps. Hein, le lapin produit toutes sortes d'anticorps. Mais là-dedans, il va y en avoir contre la protéine yellow. Ceux-là vont aller s'accrocher spécifiquement à la protéine yellow, ils vont rester accrochés. Les autres, on va rincer, on va se débarrasser du surplus. Et maintenant, on va utiliser un deuxième anticorps qui lui va être colorié, mais qui va être spécifique, qui ne va reconnaître que les anticorps de lapin. Les seuls anticorps de lapin qui resteront sur notre aile de mouche, c'est ceux qui vont être accrochés à la protéine yellow, et comme ça, on va révéler la protéine yellow. Et du coup, on va, de cette manière, pouvoir visualiser la distribution de la protéine yellow à l'échelle de toute l'aile. Et ça marche pour les ailes, ça marche pour n'importe quel tissu. Donc voilà comment on peut accéder aux molécules, comment on peut visualiser les molécules sur le tissu qui nous intéresse. Donc la première question, ça va être de dire, bon, quels sont les gènes qui sont impliqués, qui sont corrélés à la forme adulte qu'on voit, en l'occurrence une tache. Et je parle depuis tout à l'heure de ce gène YELLOW. On a trouvé comme ça, en utilisant ces méthodes, que effectivement l'expression de YELLOW préfigure parfaitement la tache adulte chez cette mouche tachetée qui s'appelle Drosophila biarmipes. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte que l'expression de YELLOW préfigurait toutes les taches chez toutes les mouches. Donc ça semble être vraiment quelque chose d'incontournable pour changer de pigmentation. Ça passe par des changements de la distribution de YELLOW. Donc maintenant, ça c'était la première étape. Alors je vous parle de YELLOW, mais en fait il y a d'autres gènes qui accompagnent aussi le changement. Mais on va rester simple, on va parler de ce gène YELLOW parce que c'est un de ceux qu'on a le plus étudié. Maintenant, on a une première corrélation, on peut dire, bon, bah d'accord, pendant le développement, il se passe, il y a ce changement-là qui a l'air d'être important pour la formation de la tache. L'étape d'après, du coup, on descend d'un cran dans la compréhension, et maintenant, on peut ramener la question de comment est-ce que apparaît une tache à comment est-ce que l'expression d'un gène change. Et là, on en arrive vraiment au cœur de ce qu'on étudie au laboratoire, c'est des changements d'expression de gènes. Comment est-ce que les gènes changent d'expression ? Alors nous, on regarde dans le contexte de l'évolution, et quand on dit changer d'expression, ça veut dire... comment la régulation transcriptionnelle de ces gènes change. Donc la régulation transcriptionnelle, c'est l'ensemble des informations qui contrôlent où et quand un gène est produit. Alors en l'occurrence, où et quand pendant le développement. Dans quel tissu, à quel endroit, dans quelle cellule, à quel moment. C'est pas au début du développement de l'aile, ça arrive vraiment à un moment particulier où les cellules ont commencé à se différencier. Donc l'idée, c'est de dire, bon bah pourquoi est-ce que YELLOW est exprimé à très bas niveau de manière homogène à travers toute l'aile, et pourquoi maintenant chez une espèce il est exprimé de manière très localisée en plus à très fort niveau dans une partie de l'aile. Alors pourquoi ? Ben, la première réponse, c'est parce qu'il y a des changements dans son expression, il y a des changements dans sa régulation qui ont abouti à ça. Où sont ces changements ? Quelle est la nature de ces changements ? Et donc voilà ce qu'on étudie et ce dont on va parler par la suite. Ce qui est important de voir, c'est que ce sont des changements de régulation transcriptionnelle. Donc le transcriptionnel, ça fait référence au transcrit, à l'ARN messager, et régulation, donc c'est où et quand ces ARN messagers sont produits. Ce mécanisme biologique qu'est la régulation transcriptionnelle, même si nous on le regarde dans un contexte très particulier qui est l'évolution, c'est un processus biologique qui est absolument essentiel pour plein d'aspects de la biologie, et pour des aspects aussi appliqués que la biologie du cancer. On sait que un des traits dominants de la biologie du cancer, c'est justement la dérégulation dans l'expression des gènes. Donc pour comprendre comment un gène est dérégulé, c'est déjà important de comprendre comment il est régulé, et du coup c'est très important de comprendre comment fonctionne la régulation transcriptionnelle. Donc voilà, nous on l'utilise, même si on l'étudie, on l'utilise dans un contexte différent, ce qu'on peut trouver à travers notre système peut avoir des conséquences au-delà, et c'est une perspective qu'on garde en tête dans notre travail. On passe au chapitre suivant.